L'aube se lève voile de mystère. Les ombres dansent sous l'air humide et clair. Riders Kill marche silhouette solitaire. Chaque pas résonne, défie à la lumière. La terre ploie sous nos pas assurés. Le vent murmure les secrets s'oublier. Les cicatrices parlent des nuits de rage. La survie s'écrit à chaque page. Une étincelle brille dans le regard. Le feu sacré pour repousser le noir. Les voix s'élèvent, prières en sourdine. Sous la canopée, la paix s'illumine. Raiders Kill veille bras prêts au combat. L'espoir s'accroche à chaque pas. Le lien visible tissé dans la brume. Force silencieuse qui jamais ne s'allume. Indélébile. Le silence éclate en un cri soudain. Les ennemis tombent sous notre chemin. Nos voix s'unissent dans la bataille. Chant de guerre farouche et sans faille. La lutte forge nos destins d'acier. Ici sur cette terre, rien n'est donné. On panse les plaies, on relève la tête. Chaque perte nourrit notre conquête. Le sang versé devient promesse. Dans le cœur résonne la sagesse. On tient la ligne, cœur battant, sous le ciel gris, toujours vaillant. Le vent s'élève, tambour puissant, les esprits s'élancent, prêts au combat. L'aube hurle un souffle ardent, uni dans la lumière. Et le fracas. Les pas martèlent le sol ancien. Riders Kill mène, fier et serein. Le cri s'élève, la forêt tremble. Dans cette lutte, nul ne semble. Nos cœurs battent, rythme sans fusion. Soldats La nuit tombe, douce et fragile. Sous les étoiles, le souffle vacille. Les âmes reposent, mais restent en veille. Car demain renaît la bataille. Les feuilles murmurent, tension latente. Mais la force reste silencieuse et présente. Raiders Kill sourit, prêt à s'élever. Même quand la forêt semble apaisée. Un feu s'allume, éclat de vie. La troupe s'élance, unie et hardie. La marche continue, battement d'espoir. sous les branches éclate le pouvoir. Chaque nom gravé dans la mémoire. Héros de l'ombre, gardien de l'histoire. Brumes et la brume se dissipe, mais le combat vit dans chaque fibre. Riders Kill s'éloigne, fier et droit. Dans la forêt, la bataille est loin.